Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du 21 septembre. Et en porte-titre, quelle sera votre prochaine réincarnation? Vas-tu toutes nous répondre à cette question-là individuellement? Dans ma tête. Quelle sera ma prochaine réincarnation? Ton animal favori. Vu que je suis assis là, je vais pas poser la question. Ton animal favori, c'est quoi? Je vais réincarner un animal. Un Doberman? Ça se peut peut-être un Doberman, oui. Tu sais comment on appelle cela, la réincarnation de l'être humain dans un animal? Non. Métempsychose. Mais ça vaut pas la peine de retenir ça, ça arrive à peu près jamais. D'un être humain dans un animal ou l'inverse? Non. D'un être humain dans un animal. Est-ce que ça arrive? Dans certains cas, c'est de l'évolution, mais... ça dépend des êtres humains. Est-ce que ça arrive réellement? Ça n'arrive plus. C'est déjà arrivé dans le passé. Extrêmement rarement, extrêmement, extrêmement rarement. C'est déjà arrivé dans le passé, à l'époque où l'être humain avait de plus grandes capacités à être en contact avec les sphères spirituelles, donc avec le monde de la mort, avec le monde astral. De temps en temps, les êtres humains, dans certains pays, en Transylvanie entre autres, on en a eu un peu en Europe, on en a eu un petit peu ici en Amérique, mais pas énormément. Alors, on en a eu en Afrique, on en a eu dans certains pays comme ça, où les êtres humains avaient développé des magies, des sorcelleries, qui leur permettaient de vivre une forme de symbiose avec certains animaux, que ce soit des léopards, que ce soit des loups, que ce soit de certains singes. Et ils ont engendré des religions, des théologies qui étaient suffisamment animales, et on avait des hommes léopards, on avait des hommes loups, des loups-garous. Et de temps en temps, parce qu'il y avait certains mixages, certaines expériences qui faisaient en sorte que certains animaux vivaient très, très, très conjointement avec l'astral, avec l'âme de certains humains, on pouvait retrouver de temps en temps des métempsychoses, des réincarnations vers l'animal. Donc, l'animal avait la capacité de recevoir et d'attirer vers lui des mémoires expérientielles d'un individu qui avait vécu dans ces formes de tradition-là. Avec le vaudou, on a certaines formes de métempsychose particulières, mais ce n'est pas tout à fait avec des animaux. C'est avec des zombies, avec des morts vivants, donc avec des corps physiques, animés d'un corps vital, mais qui ont été purgés de leur âme. C'est pour ça qu'on parle donc de mort vivant, c'est-à-dire c'est une personne qui est toujours vivante, qui a un corps physique vivant, qui a un corps vital, donc elle est vivante. Parce qu'elle n'a pas d'âme, le corps est mort. L'âme, en réalité, est morte. L'âme, on l'a extirpée par différents procédés de magie noire. Et on peut de temps en temps amener des animaux à s'incarner dans le corps de ces humains-là ou encore amener des humains à s'incarner dans ce corps-là. Mais on ne peut pas considérer le corps comme étant le corps d'un être humain, même s'il a la forme. C'est humanoïde, mais ça finit là. Alors donc, dans ton corps, il n'y a pas de danger. Tu te transformeras pas en Doberman. Ça va. Tu aurais pu être le gardien d'un chenil ou quelque chose comme ça. C'est une nouvelle vie. Ou un papillon encore. Papillon qui a à peine né, se fait bouffer par un oiseau. C'est moi. Mais non. Je m'arrangerai pour que tu t'étouffes. Ah oui, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on dit quelle sera notre prochaine réincarnation dans le sens du titre? Est-ce qu'on veut parler de la prochaine réincarnation qu'on va vivre aujourd'hui, parce que, c'est-à-dire dans cette vie actuelle? Parce que tu as déjà dit dans des conférences antérieures et souvent que ça se réincarne chez nous 24 heures sur 24. Donc, est-ce qu'on va regarder dans cette conférence-là quelle va être notre prochaine réincarnation demain ou quelle sera notre prochaine vie? Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui choisis les titres, de toute façon, donc je n'ai aucune idée ce que la personne voulait comme dire. Comme ce n'est pas toi qui choisis les questions, mais je vais voilà, choisir. Voilà, c'est ça. Par contre, je peux te suggérer trois vecteurs. Première chose, quelle sera notre prochaine réincarnation, évidemment, pour les personnes qui sont imbues de prophétisme ou encore de ceux qui sont convaincus qui ont un libre arbitre, mais qui se font tirer aux cartes régulièrement pour connaître leur destinée. Les personnes peuvent aussi, par exemple, avoir l'ego de l'individu, le mental. Non, mais l'ego, oui. L'ego peut, par exemple, venir à la conférence pour espérer savoir quelle va être sa prochaine réincarnation. On peut aussi poser la question, quelle va être votre prochaine réincarnation? Autrement dit, quelle réincarnation prochaine voulez-vous avoir? Est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte de se garantir une forme de réincarnation ou du moins de s'enligner pour être dans certaines régions planétaires ou dans certaines familles ou dans certains cadres sociaux qui va être un peu plus intéressant? Pour qu'on n'ait pas à recommencer sans arrêt certaines mécaniques qu'on a déjà apprises, mais pour qu'on puisse se rappeler un peu ce qu'on a fait déjà pour pouvoir continuer le chemin dans un autre corps sans avoir à recommencer. Donc, quelle sera votre prochaine réincarnation? Quelle va être celle que l'on peut choisir? Comment on peut la choisir? Et puis l'autre, effectivement, le troisième vecteur, celui que tu as amené, étant donné qu'on se réincarne 24 heures sur 24, dans 10 ans d'ici, vous allez ressembler à quoi? Qu'est-ce qui va s'être réincarné chez vous? Qu'est-ce qui va vous avoir digéré, vous avoir transformé? Ou encore, quelle sera l'information que vous allez digérer qui va vous permettre de vivre plus efficacement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 2 ans? Et encore une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'humain souvent se dit, moi j'ai 55 ans, tu sais, fait que dans 10 ans. Il y en a qui disent, moi j'ai 75 ans, fait que dans 10 ans. On ne sait pas combien d'années on vit. Et on ne peut vraiment pas, on ne doit pas, plusieurs personnes le font hélas, plus on approche d'un certain âge que la société appelle l'âge d'or, puisque l'âge d'or, voilà. Et on considère qu'on a pas mal manqué notre coup encore, on a bien réussi, mais on n'a plus le temps pour continuer à faire d'autres choses. Alors que c'est totalement faux, parce que l'évolution est exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 5 ans, vous apprenez des choses, vous vous changez. Et pour apprendre autant de choses, par la suite, il vous faudra 2 ans et demi. Et par la suite, il vous faudra un an, trois quarts, disons. Et par la suite, il vous faudra un peu moins qu'un an. Et par la suite, il vous faudra quelques mois pour avoir la même quantité de changement ou d'accumulation énergétique ou de conscientisation qu'on a eu pendant les 5 années au départ. L'évolution est exponentielle. Donc, plus on avance. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, je suis rendu à tel âge et puis je n'ai plus peut-être... pour beaucoup d'années à vivre, ça n'a vraiment rien à voir parce que ça va de plus en plus rapidement. Sauf, évidemment, si l'individu se laisse animer par sa médiocratie, la médiocratie de l'ego, qui fait qu'on a des complexes d'infériorité. Certains ont des complexes de supériorité qui sont des complexes d'infériorité. On se croit supérieur parce qu'on ne veut pas voir. Et alors que l'être humain est simplement différent, puis la différence, c'est important de voir et de comprendre et d'accepter l'idée de la différence. Être différent ne veut pas dire être meilleur, ne veut pas dire être inférieur, ça n'a encore une fois rien à voir. Est-ce qu'on est capable de se servir de ce que l'on apprend? Est-ce qu'on est capable de se servir de ce que l'on conscientise? Il vous arrive un accident. Votre évolution, est-ce qu'elle vous sert pendant l'accident? Un individu qui ne comprend pas ce qu'est l'évolution va dire, « Mais non, ça ne me sert pas parce que j'ai eu un accident. » Quand tu seras rendu à un niveau où tu appartiendras à une race nouvelle, quand tu ne seras plus assujetti à l'évolution de l'homme ancien, de l'homme de l'air du poisson, l'évolution sacrificielle, où on évolue uniquement par sacrifice, par douleur, par souffrance, tu n'auras pas d'accident, justement. Mais en attendant, on a un accident, par exemple. Est-ce qu'on chiale? Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est angoissé? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on revit l'accident pendant les 3 prochains mois? Là, notre évolution ne sert pas à grand-chose. On était dans une religion, ça ne sert à rien. On venait écouter des conférences, ça ne servait à rien non plus. Il faut absolument que pour que l'être humain puisse, on parle de prochaine réincarnation, nécessairement on aimerait avoir quelque chose qui sera intéressant, qui sera convenable. J'imagine que les gens qui sont pointés ici ce soir croient un peu à la réincarnation. Hein? Bon, parce qu'on parlait de la prochaine réincarnation, alors ça va aider. Si vous ne croyez pas à la réincarnation puis vous êtes ici, j'espère au moins que vous allez comprendre que l'être humain est manipulé. Hein? Au moins. Bon, au moins il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se passer. Quand on parle de prochaine réincarnation, on peut voir ça de différentes façons. On peut voir ça sous forme d'immortalité, c'est-à-dire que, bon, ben, c'est une garantie que je ne mourrai pas. Alors que c'est faux, on peut facilement mourir. Et nos mémoires vont se réincarner dans 15, 20, 30 individus différents, mélangés avec les mémoires de 2, 3, 4 000 autres individus, ce qui va faire en sorte qu'on va faire comme on a fait cette fois-ci. On vient au monde, on ne se rappelle pas qui on a été, on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, on ne se rappelle finalement de rien. Des petites mémoires, des petites bribes comme ça. Qu'on appelle l'imagination, souvent. Il y a une personne, à un moment donné, Général Patton, t'as connu Général Patton. Lui, il était convaincu, c'est d'ailleurs lui qui a piqué la lance de Longinus à Adolf Hitler, c'est lui qui a finalement, il a gagné la moitié de la guerre mondiale à lui tout seul. Lui, il était convaincu qu'il réincarnait un soldat romain. Il avait des mémoires, de l'imagination, il faisait pas du rebirth, de la palingénésie, il faisait pas des retours dans les vies antérieures, c'était une vibration. Sauf que lui, il était suffisamment asocial, bête, d'ailleurs on lui a reproché tout le temps, pour aller s'inventer carrément qu'il était une réincarnation d'un soldat romain. Ça ne le dérangeait pas ce que les gens passeraient de lui. Et puis... Il affirmait ça. Ah, il affirmait ça. Évidemment, il était malade, mais comme c'était un bon général, puis qu'il avait, bizarrement, l'instinct de la guerre, il connaissait certains terrains, l'Europe, il connaissait ça énormément, la France, il connaissait le terrain comme s'il avait déjà été combattre en Gaule. Il connaissait plusieurs de ses ennemis, mais effectivement, l'Allemagne puis la Rome antique se sont déjà battus ensemble, mais à l'époque, c'était pas l'Allemagne. Il connaissait énormément de choses, c'était un grand général, il inventait des techniques absolument fabuleuses, il connaissait plus l'histoire des grandes batailles que ce qu'on lui avait enseigné dans les écoles militaires. Est-ce qu'il réincarnait un soldat romain, un centurion, ou s'il réincarnait de l'imagination? Chose certaine, son imagination était extrêmement intéressante parce qu'elle était utile. Et c'est extrêmement important de bien comprendre que quand on parle de réincarnation, on parle de plusieurs choses. On l'a vu dans les conférences antérieures, évidemment. On parle de retour des mémoires chez soi. 24 heures sur 24, tout au long de notre vie, on réincarne. C'est pourquoi un matin, on se lève, on ne se reconnaît pas trop, on est de mauvaise humeur alors qu'on est normalement de bonne humeur et vice-versa. À un moment donné, on ne sait plus trop, on n'a plus le goût d'aller travailler. On est écœuré subitement de notre emploi. Il s'est passé des changements. On ramasse des choses régulièrement. On a vu un peu comment on pouvait voir si quelqu'un de notre famille qui était décédé ou un ami proche s'incarnait chez nous. Hein? À un moment donné, on commence à être colérique, exactement comme lui. On réincarne des parties de lui. On commence à être asthmatique, comme lui. On réincarne des parties de lui. Quand on pense préparer sa prochaine réincarnation, parce qu'évidemment, ce n'est pas une question de jeu de dés. On peut évidemment vous dire, vous allez vous réincarner dans telle chose. Mais ça, on n'a rien à faire. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et j'ai expliqué au début de l'année 1990, dans la conférence 1990, une année déterminante. Elle est extrêmement déterminante, j'en avais parlé, parce qu'on entre dans une phase, une décennie. Ce n'est pas à cause des chiffres. On n'a rien à voir avec la numérologie. Si on serait chinois, on aurait d'autres chiffres. Alors, c'est, bon, on peut s'amuser à compter si on veut, mais ce n'est pas... C'est qu'au niveau du temps, au niveau de la gestion d'évolution des humanités, on rentre dans une phase, une dizaine d'années, qui amène l'humanité à entrevoir et à voir naître totalement une nouvelle race, la sixième race mère, qu'on appelle la race bleue. Évidemment, c'est des races neuroniques et endocriniennes, ce ne sont pas des races cutanées. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a des bébés bleus, à un moment donné, parce qu'ils ont manqué d'oxygène, qu'ils font partie de la nouvelle race. Et on a parlé un peu de la probabilité qu'on touche au phénomène de la Troisième Guerre mondiale. La tradition a toujours enseigné que c'est de Bagdad que ça viendrait, les califes, qui ont été de grands magiciens et qui se monteraient à un moment donné contre la conscience supramentale américaine. Quand je parle de l'Amérique, je parle évidemment de l'Amérique du Nord, je parle donc du Canada, du Québec et des États-Unis d'Amérique. Et on a parlé aussi qu'il y aurait de plus en plus la possibilité pendant quelques années pour que les individus puissent changer de situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, je faisais toujours un parallèle, on se promène dans l'Alada, et puis à un moment donné, il va arriver un moment où il y aura moins de vent. On pourra sortir de l'Alada, traverser la rue, puis embarquer dans une Rolls-Royce. Ça veut dire que, comme j'en ai parlé souvent, on est sur un plateau qui tourne dans un sens, et parce qu'il y a une force centrifuge qui fait qu'on est toujours accolé. On achète des billets de loterie, on ne gagne pas. On n'a pas la santé qu'on voudrait, on n'a pas le corps qu'on voudrait, on ne comprend pas ce qu'on voudrait comprendre. On comprend un jour, on ne peut pas appliquer le lendemain. L'être humain a une problématique, a une difficulté dans son libre-arbitre et on est souvent manipulé. Il pleut, on chiale, on se fait couper en conduisant son automobile, bien on crie encore, on fait des potinages, on a peur, en tout cas, on peut s'amuser. Si on calcule la quantité de temps et d'énergie humaine qui est perdue uniquement pour entretenir les égrégores, il faut passer le temps, hein, pour se distraire, parce que le gros malaise de l'humanité, c'est qu'il doit se distraire. Il espère être immortel, puis il s'ennuie. Alors, évidemment, il veut se distraire, puis on a énormément de distractions. L'homme peut se maquiller, peut s'arranger, la femme peut se maquiller, c'est une forme de distraction aussi souvent. On passe du temps, on écoute des vidéos, on joue, on se met pas en forme. On peut se mettre en forme en jouant, mais on veut pas se mettre en forme, on veut jouer. Vous voyez la différence? Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont suivre des régimes pour pogner plus, pas pour être en meilleure santé, il y a des exceptions. Mais la distraction, c'est le monde actuel, c'est total. On fait une conférence, par exemple, on peut faire un test. On loue le Forum de Montréal, puis on fait une conférence, ça coûte 55 $ et il y a une personne, on ne sait pas qui va venir enseigner comment devenir immortel. Il va y avoir 2-3 000 personnes. On fait venir un chanteur américain ou d'Angleterre, 75 $ puis on va remplir le Forum 4 jours de fil. La distraction va attirer beaucoup plus de gens qui vont débourser beaucoup plus d'argent que si c'est des choses qui sont formatives et qui peuvent justement amener les gens à se conscientiser. Donc, si on comprend l'idée probablement de l'utilité de la vie, si on comprend l'idée qu'on réincarne les choses 24 heures sur 24, on va voir un peu aujourd'hui comment ajuster pour ne pas continuer à réincarner n'importe quoi, qui finalement viennent nous brimer, eh bien, on va découvrir qu'on aura de plus en plus de facilité. Le plateau tournant dans un sens, le sens collectif, le sens astral, présentement, il y a de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'intelligence active qui amène de l'information à l'être humain. Puis c'est une information qui ne provient pas de la tradition. Donc, on ne retrouve pas dans les livres sacrés, ni dans le Coran, ni dans la Bhagavad Gita, ni dans le Talmud, ni dans la Bible, ni dans le Bardo Tadol, dans aucun livre sacré. Cette intelligence qui touche certains humains, de plus en plus d'humains d'ailleurs, c'est leur esprit. Je ne parle pas de l'âme. L'âme, c'est de la mémoire. On sait qui on est, surtout quand on est rendu assez âgé, parce qu'on a beaucoup d'expérience. L'intelligence instantanée, qu'on appelle aussi intelligence supramentale, conscience supramentale, énergie christique, c'est la même chose, retour du Christ. Cette intelligence qui touche les individus va faire en sorte de pouvoir donner à l'individu une vision neuve des choses. Dans cette vision neuve, l'individu verra la possibilité de vivre plus longtemps, la possibilité de... il verra l'intelligence d'évoluer, alors que normalement, traditionnellement, on évolue uniquement parce qu'on est malheureux, parce qu'on est mal, on fuit la souffrance, on recherche le plaisir. Quand on est heureux que tout va bien, on n'évolue plus. C'est dans les périodes de crise que les religions gagnent des adeptes, que les sociétés ésotériques gagnent des adeptes, que l'humain commence à prier, que l'humain se retourne vers des forces qui, souvent, le manipulent à outrance, ne l'aident pas. Et quand tout va bien, bien, on oublie tout. Et c'est ce qui va faire en sorte que, de temps en temps, les égrégores du monde de la mort, donc certaines formes de théologie, vont s'arranger pour matraquer l'humain un peu, parce que sinon, l'humain les oublie. Alors, on doit comprendre cette mécanique, on doit comprendre que, prochainement, on est déjà dans ces périodes où la gravitation, la force centrifuge qui colle l'humain toujours à une évolution sacrificielle dans la majorité des cas, va de plus en plus arrêter parce qu'il y aura une opposition de l'esprit. C'est un exemple que je donne au niveau du plateau. Donc, il y aura une énergie supramentale qui va pousser dans l'autre sens, qui fait que ça va ralentir le plateau. À partir de 90, du mois de mars, etc., en montant, jusqu'à l'an 92-93, le plateau va ralentir et arrêter, et il va commencer à tourner dans l'autre sens, le sens de l'intelligence. Pendant cette période, les êtres humains ont énormément de possibilités de changer totalement de façon de vivre et de vie, facilement. Il leur faut un peu d'énergie, il y a des égrégores énergétiques qui se constituent un peu partout dans le monde, il leur faut certaines petites choses, il leur faut au minimum la compréhension de la mécanique. Les conférences servent surtout à ça, ça amène un peu d'énergie, ça amène de la compréhension, mais c'est chaque individu qui doit faire son chemin. Parce qu'on ne peut pas pénétrer dans, on peut parler de la race neuve, bon, la race nouvelle, ce ne sont que des mots, mais ça nous permet de communiquer. L'individu était dans la race ancienne, la cinquième race mère, la race blanche, neuronique blanche, donc ça inclut toutes les couleurs cutanées. L'individu est dans la cinquième race collectivement. On a pénétré dans la race, après la race atlantéenne, on a pénétré dans cette race-ci collectivement. Maintenant, on va pénétrer dans la race nouvelle individuellement. On ne peut pas pénétrer en groupe. On peut être 25 000 à pénétrer, mais chacun a sa conscience, puis chacun pénètre seul. Donc, l'individu devra appliquer les choses. Il ne peut pas demander qu'on l'aide. Il peut demander de l'information. Si on l'aide, cela veut dire qu'on prend possession de sa vie, on prend possession de sa conscience, et il nous fait confiance, et il nous suit, et nous sommes son maître. S'il se prend en main, il prend de l'information, il devient un peu plus son seul maître, il conserve la capacité de juger, d'analyser, il fera des erreurs. Mais en suivant, il en fera quand même, puis en se suivant, il en fera aussi. Mais là, c'est la seule façon de se désassujettir de toutes les mécaniques qui ont assujetti l'humain depuis que l'humain est sur la planète Terre. Quand on parle de réincarnation, nécessairement, on peut voir un peu au cours de sa vie ce qui peut nous attendre, mais on doit s'en aller vers l'idée d'être son seul maître. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout contrôler l'univers. Ça veut dire simplement que l'état émotif que nous allons vivre est décidé par notre intelligence. Est-ce que c'est intelligent d'être chialeux? Non, on ne chiale plus. Mais pas parce qu'on contrôle le chiolage, parce qu'on ne chiale plus. Est-ce que c'est intelligent d'avoir peur ou de s'ennuyer? Non, mais subitement, l'ennui ne vient plus. On ne contrôle pas l'ennui. Il n'y a plus d'ennui. L'évolution ancienne, c'est une évolution méritoire. Vous avez peur, vous contrôlez la peur, vous êtes bon, vous êtes courageux. Oui, mais on perd de l'énergie, puis on perd du temps, puis on perd de notre vie. À un moment donné, je ne contrôle pas ma peur, je ne connais pas la peur. Ah, mais tu n'as pas de mérite. Exact. C'est l'apanage de la race nouvelle. Pas de mérite. Tant mieux. C'est parfait. Il pleut, puis tu chioles pas. Pas de mérite. Non, c'est ça. Mais je suis heureux, je suis bien. Alors que dans le système traditionnel, on enseigne beaucoup de techniques pour que l'humain contrôle tous ses problèmes. Alors que dans l'évolution, les problèmes devraient rester en arrière. On n'a plus votre problème. Ce n'est pas utopique, ça se fait. Je connais des individus qui appliquent certaines formes de vie, qui travaillent sur eux et qui, progressivement, effectivement, finissent par être absous de certaines problématiques humaines traditionnelles. Où on va dire, oui, mais c'est normal là, d'avoir peur tout seul dans le bois la nuit. C'est peut-être normal, c'est pas intelligent. À un moment donné, tu vas camper, tu dors, puis tu dors bien. Tu es en plein bois, tout seul la nuit, puis il n'y a pas de problème. Tu ne contrôles rien, tu n'es pas courageux, tu n'as pas peur. Oui, mais si un animal t'attaque, tu n'as pas peur, ça ne va rien changer. Surtout qu'en plus, Plus tu as peur, plus les animaux deviennent belligérants. Ayez peur devant un chien, c'est chien. Bon, si vous n'avez pas peur, le chien peut avoir peur. On a la paix. Quand on parle de réincarnation, on doit donc comprendre premièrement que là, il y a encore quelques années où l'humain pourra effectivement prendre son corps et le bouger. Ça veut dire se prendre en main. Et là, on pourra changer les choses. Le plateau qui arrête, ça donne l'opportunité de choisir, d'avoir une forme de libre-arbitre ou du libre-arbitre réellement, puis choisir ses incarnations pendant cette pause-là que tu dis de 1990. On peut tout dire, ça dépend des points de vue, mais disons une forme de libre-arbitre. Mais en réalité, oui. Tu es manipulé par ton intelligence. C'est un peu comme si le feu prend dans la salle et puis quelqu'un qui est avec un bazooka et qui vous dit « vous restez assis, vous allez brûler ben, ». Vous allez brûler. Puis à un moment donné, ben, la personne qui est le bazooka, qui est l'astral, qui manipule, disparaît. Ben, là, vous allez te sortir. Mais vous n'avez pas le choix de sortir. C'est une forme de libre-arbitre. Mais tu es manipulé quand même. C'est comme je le dis souvent, tu as 25 solutions à un problème, 24 solutions idiotes. Si tu es manipulé par ton émotivité, par les mémoires, par ce qui se réincarne, ben, tu vas prendre celle-là, la solution la plus belle, la solution la plus proche, la solution la plus rapide. Tu es manipulé, tu peux te casser le nez souvent. Si subitement tout ce qui te manipule astralement disparaît, il reste ton intelligence va reconnaître la bonne solution. Tu es encore manipulé, tu n'auras pas le choix, tu vas prendre la bonne solution. Mais c'est moins plus agréable. C'est plus confortable que manipulation. Ben, c'est évident. Bon. Est-ce que la réincarnation, ça va être du même principe le prochain? C'est-à-dire qu'on doit servir de la vie et d'effectivement de l'effet réincarnatif pour pouvoir aller chercher de l'énergie qui va nous construire, de l'énergie qui va nous instruire, qui va nous former, qui va nous former par l'intérieur, donc qui va nous informer, mais pas de l'énergie qui va nous désinformer, ce qui est souvent le cas. On va chercher l'opinion d'autrui. Bon, à un moment donné, on est pour les Mohawks. Deux semaines après, on est contre les Mohawks. Trois semaines après, on est pour les Mohawks. Puis après ça, on ne le sait plus. Puis on est pour l'armée, puis on est contre l'armée. Ça dépend de ce qu'on lit, puis de ce qu'on entend à la radio ou à la télévision. Et ça, c'est une problématique. On n'est pas notre seul maître. Là, on se fait désinformer. Quand on parle donc de la réincarnation, on va brosser un tableau. Il y a une période de questions, de toute façon, pour ajuster. On brosse un tableau de ce que l'être humain peut faire immédiatement pour pouvoir assurer qu'au fur et à mesure des années qui vont s'écouler en avant de lui, ce qu'il va attirer chez lui seront des choses qui vont lui permettre de se construire et comment on peut s'arranger pour garantir, évidemment, le mot est assez d'envergure. Pourquoi? Parce que ça demande, en une conférence comme ça, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses que les personnes qui ont fait le séminaire vont pouvoir comprendre peut-être plus ou appliquer plus. Puis ceux, à un moment donné, qui ont... Il y a les clés du contrôle, à un moment donné, qui est un cours que j'ai donné à des séminaristes, qui permet d'arriver à canaliser et à comprendre un peu mieux la mécanique. Le Dalai Lama passait plusieurs années, 13 réincarnations, c'est sa 13e présentement, à se réincarner en se rappelant de A à Z de tout. Le personnage a vécu quelques milliers d'années. Et il y a des mécaniques qui font en sorte qu'on va justement se réincarner en se rappelant qui on était, mais on amènera toujours des mémoires du monde de la mort, on aura toujours besoin de digérer ces mémoires-là, ça veut dire qu'à 3, 4, 5, 6 ans, on va peut-être subitement se redécouvrir. Mais il y a des façons de garantir qu'on peut se redécouvrir. La première chose à faire, ce serait d'éliminer les réincarnations indésirables ou... Pour améliorer sa vie. Parce que imaginez subitement que si chaque individu se met à travailler et à se servir honnêtement de sa vie, pas pour son ego, pas uniquement pour son plaisir, un plaisir qui, par exemple, va faire qu'on va manger mal, qu'on ne se mettra pas en forme ou qu'on va... Bon, quand je parle de son plaisir, il y en a qui vont se faire peur, ils vont dans des parcs d'attractions ou ils vont voir des films d'horreur ou ils font des choses. Ils se font plaisir, encore une fois. Il y en a qui vont chialer régulièrement, ils se font plaisir. Il y en a qui sont malades régulièrement, ils se font plaisir. Mais on a vu que l'ego était pluriconstitué, que l'ego était un paquet de petits blocs. Alors, le bloc qui se nourrit de la maladie, il se fait plaisir quand il est malade. Quand il s'est suffisamment gavé, il s'en va, il se retire de la conscience. Puis là, il y a une partie qui aimerait être en santé qui apparaît. Puis là, elle se machiolée qui est malade. Puis quand on commence à guérir l'individu recommence à faire des choses qui vont la rendre malade. On a des personnes qui font de l'athérosclérose ou de l'artériosclérose, deux maladies différentes. Et quand ça commence à aller mieux, ils vont recommencer à manger du gras ou à prendre du calcium. Bon, il y en a qui ont des brûlements d'estomac. Ils font attention. Quand ça commence à être correct, ils recommencent à boire ou à manger ce qui leur amène des brûlements d'estomac. L'humain est manipulé continuellement. On est sur un plateau où si on est capable d'intelligencer suffisamment, c'est-à-dire sans souffrance de se dire « maudit que c'est stupide ce que je fais là ». Puis si on le fait quand même, ben ça prouve qu'on est manipulé. On est deux dans le même corps. C'est ça que ça prouve. Ça prouve pas qu'on est faible. On n'est pas faible. Mais présentement, on n'est pas le maître contrôleur. Et puis, on continue à faire croche. Puis, chaque fois qu'on fait croche, on découvre que c'est pas intelligent. Puis, on n'en souffre pas. Si on se culpabilise, l'énergie qu'on gagne dans notre conscientisation, on la brûle en culpabilité. Alors, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a même une partie de l'ego qui va finir par se plaire de se sentir coupable. On l'a pas. Alors, on doit simplement être d'accord pour dire que ce qui est inintelligent, bien, c'est inintelligent. Dans le séminaire, souvent, je pose la question à des individus. Bon, qui fume? On lève la main. Bon, est-ce que c'est intelligent de fumer? Non. Êtes-vous intelligent? Là, normalement, elles sont toutes faites. Si tu sais que c'est pas intelligent, c'est que t'es intelligent. Ah oui, mais pourquoi je fume d'abord? Parce que t'es manipulé, c'est bien simple. Je pensais que c'était pour payer le stade olympique. Ah non. Il fait même pas de sport, fait que franchement, c'est pas... C'est... Parce que c'est toujours la même chose. Pourquoi l'as-tu fait? C'est intelligent ce que t'as fait? Non. Pourquoi tu l'as fait? Pas de réponse. Il y a une réponse. C'est pas moi qui l'ai fait. Je suis manipulé. Puis effectivement. Puis là, les égos vont dire, ah oui, mais c'est une maudite belle raison facile à dire. Et oui, mais c'est la seule vraie. Imaginez que quelqu'un brise les fleurs de votre parterre. Puis votre mari ou votre femme, votre ami, il rentre puis dit, qui a brisé les fleurs? C'est le voisin. Belle raison facile à dire. C'est le voisin quand même. Bon, on ne peut pas se mettre sur le dos ce qui n'est pas à nous. Et on est effectivement co-locataire du corps physique. Qu'est-ce qui réincarne? Pas votre intelligence, ces mémoires-là. On réincarne du co-locataire. On réincarne de celui qui va nous faire manger croche. On réincarne de celui qui nous fait rendre collectif. Celui qui nous fait détester notre linge parce qu'il pue à la mode collective. On réincarne celui qui nous fait devenir végétarien parce que c'est à la mode au niveau d'évolution. Même si le corps physique a peut-être besoin encore de viande. On réincarne, c'est ça qu'on réincarne. Et quand on parle de réincarnation, donc on ne parle pas de notre réincarnation. Ben, si on est de la conscience, on prépare notre colocataire à ce qu'il soit plus agréable, on change de colocataire. Ben, progressivement. La conscience se réincarne dans pas. Cette vie-ci, ce qu'on va faire, si on veut travailler convenablement, c'est effectivement de changer le colocataire. Bon, vous êtes alcoolique, vous allez dans les AA. Qu'est-ce qui se passe? Ben, progressivement, à force de communiquer, de partager ce que les autres ont vécu, vous finissez par être imprégné de ce qu'ils ont vécu, donc vous les réincarnez, et progressivement, vous allez être collectivement associé à une vision spirituelle qui fait que vous rejetez l'alcool. Mais vous avez changé, donc, progressivement, le colocataire, qui, lui, se nourrissait de la boisson, hein, de l'effet psychologique, émotif et endocrinien de la boisson, et progressivement, ben lui, ça en veut plus de boisson, parce que ce qui remplace le colocataire n'a pas bu, n'est pas de l'expérience du buveur. C'est sûr qu'on ne le remplace pas au complet, on finit par étouffer l'autre. Recommence à boire, tu vas l'énergiser en tabarouette, puis là, c'est dangereux qu'il revienne. Alors, c'est ce qu'on fait. On peut faire ça par la psychothérapie, on peut faire ça par l'hypnose, on peut faire ça par la chirurgie astrale, on peut faire ça par le contrôle mental, le contrôle des réincarnations. On fait ça comme ça. L'être humain doit, je dis de temps en temps, qu'on doit envisager sa vie sur 500 ans. Hein? On doit sa vie évolutive. Pas sur 50 ans, sur 20 ans, sur 10 ans ou sur 75 ans. Et souvent, les personnes me disent, ah oui, mais là, tu sais, 500 ans, je ne serais même pas là. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Si vous croyez à la réincarnation, vous pouvez peut-être être là. Et on doit comprendre certaines choses. C'est peut-être la quatrième fois qu'on entend la même conférence. En 1837, à Londres. Elle fait, mais pas en 37. 35? Oui. À Glasgow. Mais on... Continuons. Même. Ouais. Change de sujet, là. Change même d'époque, c'est pas correct. Ouais. Non, mais si on a réincarné des mémoires, nous autres, on s'est jamais réincarné. Si on est de la conscience, au moment où c'est la conscience qui s'exprime, la conscience, c'est on s'est jamais réincarné. C'est le pire du phénomène réincarnationnel, c'est que vous n'êtes jamais mort, mais ce que l'humain ne parvient pas encore à saisir, parce que le corps physique est bâti pour exprimer de la mémoire. Parce que le corps physique est bâti pour exprimer de la mémoire, l'âme, l'ego, donc ce serait ceux qui se réincarnent, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des habitudes, qu'on va avoir des gestuels similaires à notre grand-père, à notre grand-mère, à nos parents, à notre oncle. Génétiquement, on est assujetti. Faire que vous avez un enfant, laissez-moi-le pendant 3 semaines. Quand il va revenir chez vous, il va avoir des attitudes qui vont me ressembler. Mais après 3 semaines, il va recommencer à prendre les vôtres. L'imprégnation, hein? On copie, on colore, progressivement, on se fait donc... On se fait assujettir progressivement à des énergies qui sont extérieures, des mémoires. Votre corps physique exprime de la mémoire, mais vous, l'intelligence, vous n'avez pas changé. Et vous ne mourrez même pas. La problématique, c'est qui a peur de la mort? C'est l'ego. C'est la mémoire. La mémoire n'est pas convaincue que lorsque le corps physique va être dissous, que la mémoire va pouvoir rester un bloc. Et elle ne reste pas un bloc. Vous avez raison d'avoir peur. Oui. Pas raison d'avoir peur, mais on a raison pourquoi on a peur. On a raison de ce qu'on a peur. Mais vous, vous allez rester ce que vous êtes. La problématique, c'est quand on vient dans un... On se réincarne, on vient dans un autre corps, la première chose qui s'exprime, c'est l'expérience et la mémoire. Transmise par le sang harmonisé de la mère, progressivement, l'expérience, etc. On apprend à vivre là. Si la famille est raciste, on peut devenir raciste. C'est pas vous autres, ça, là. Mais c'est de l'expérience, de la mémoire, et puis progressivement, on n'exprime que ça. Et c'est un gros problème, parce qu'on est toujours confinés. Nous, on est là-dedans. On pourrait dire, et enfin, on va continuer juste un petit peu là avant. Le gros problème, c'est que n'étant que de la mémoire et ancestrale, finalement, le corps physique à l'époque n'était pas très évolué, donc il ne pouvait pas accepter beaucoup de conscience. Il nous refusait. Le corps physique a été évolué par des contacts melchisédiens. On a amené le yoga, on a amené des alimentations particulières, on a amené des rhétoriques d'esprit, on a amené de la philosophie, on a amené de l'art, de l'esthétisme. Et ça leur a fini le système nerveux, le système endocrinien. Ça leur a fini le corps physique. On n'a pas le même corps massif que nos ancêtres. Et là, ça supporte plus de conscience. Les corps sont de plus en plus capables de nous supporter. Mais le problème, c'est que la majorité de ce qui est exprimé par le corps, ce n'est pas nous, c'est nos mémoires. Les mémoires de nos ancêtres, ce qu'on réincarne, les mémoires de notre expérience. Alors, quand je dis à l'être humain qu'il ne mourra pas, mais il peut revenir dans un corps physique où il sera envahi par un paquet d'autres mémoires qui vont s'exprimer, bien, encore une fois, vous allez devoir recommencer à retransformer ces maudites mémoires-là pour finir par vous dire « crime, je suis quelqu'un ». Pas « je suis quelqu'un », « je suis quelqu'un ». Grosse nuance, bon. Et, parce qu'il y en a un, ça s'adresse à l'ego. L'être humain ne meurt pas. Et quand on parle de réincarnation, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai une expérience de mon esprit, de moi-même, dans le corps physique. Donc, mon âme a l'expérience de ma présence, donc l'âme a l'expérience de l'esprit dans le corps physique. Et parce que mes mémoires expérimentent ma présence, ce qui serait intéressant pour moi, c'est que dans 10 ans ou dans 20 ans, que toutes les mémoires qui habitent mon corps physique ne soient pas celles de mes ancêtres, mais soient uniquement celles qui ont expérimenté ma présence. Si c'est ça qui arrive, ben ça va nécessairement dire que je n'aurai plus jamais besoin de lutter à l'interne contre des choses que moi, intelligent, je veux faire. Je veux manger quelque chose de bon pour la santé et tout l'intérieur est d'accord. Parce que c'est de la mémoire de mon passage. Si je me réincarne, ce qui serait intéressant, c'est que les mémoires de ma vie puissent être rappelées dans un corps physique. Et là, moi, je vais redescendre dans ce corps-là et je vais immédiatement être capable d'exprimer spontanément ce que moi je suis en tant qu'esprit, parce que les mémoires qui vont être à l'intérieur, c'est les mémoires qui vont exprimer ça. L'esprit transporte dans un autre corps physique son colocataire qu'elle a poli ou qu'elle a formé à son oui. image. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ton ego, à partir du moment où tu réussis à faire ça, l'ego se plaît. Parce que l'ego, il s'en va puis il disparaît. L'ego devient un égoïque. Non, mais disons qu'il en restera un morceau pour une prochaine réincarnation. C'est vrai, j'oubliais. Faut pas que c'est tout parfait de suite. C'est correct. Faut pas aller trop vite. Fais du popper tout de suite. Disons qu'il restera un morceau. C'est vrai, on est des Québécois quand même. Un gros morceau. Hypothétiquement. En tout cas, ou soit pas nécessairement dans une autre vie, mais dans une étape de la vie. L'ego va de plus en plus aller dans la même direction que l'intelligence. Fait qu'il va être de moins en moins malheureux, peut-être pas. C'est un problème, l'ego. Hein? Il ne se combattra pas avec l'intelligence si tu réussis à éliminer les mémoires des autres. Oui, mais le travail, c'est que la négoïsation, la fonte de l'ego, ça se fait assez rapidement et ça crée une âme pure. L'âme pure, c'est une âme qui est transparente. La transparence fait que l'intelligence qui nous traverse est exprimée facilement. On n'a pas de guerre interne, on n'a plus de lutte, on n'a pas d'indécision. Ça, c'est la mort de l'homme ancien. Pas être capable de prendre de décision. Tiraillé, il y a un bloc d'ego qui dit non, l'autre il dit oui, l'autre il dit peut-être, l'autre il dit fais attention, renseigne-toi, fais pas confiance, va le voir. On sait pas. On fait juste rentrer dans un maudit magasin, chercher une paire de souliers, puis là, ils ont un paquet de souliers. Puis là, je prends ceux-là, moi, ça a l'air bon, mais c'est 65$, ceux-là sont 55$, ils ont l'air plus cheap, là, on sait pas, on passe là, on magasine ailleurs, puis là, on vient. On perd notre vie. T'as un magasin à Lucie, un bout de temps, tu prends ceux qui ont. Ben oui, mais t'as... une fois par année. Mais. Il y a moins de problèmes. À ce niveau-là. À ce niveau-là, évidemment. Mais c'est un problème qui tue l'homme ancien, c'est l'indécision. Il est toujours confronté à devoir lutter à l'interne sans prendre de l'énergie. Bon, j'ai ma carrière plus tard. Là, je suis à l'école, là, je fais quoi? Là? Je m'en vais là, je m'en vais là. La majorité des étudiants, ils font, c'est moi faire le bloc science ou le bloc santé. Ça m'ouvre plein de portes. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils vont ou en quoi ils font le bloc sciences sociales? Ça, c'est parce qu'ils ont le goût de faire ça ou bien non, ils ne peuvent pas faire rien d'autre. Et puis, après ça, on fait quoi? Les choix de carrière, puis on trouve mal pris. On sait pas quelle auto prendre, on sait pas quelle rue prendre. Il y a du trafic, est-ce que je prends cette rue-là, est-ce que je sors là, je sais pas, puis d'autres, on sait jamais rien. On est mal pris. Bon, mais ça, c'est souffrant. On s'en habitue, on n'en souffre plus, on s'en habitue. Mais c'est pas ça le rôle de l'humain. L'intelligence, vous, les intelligents, c'est pas ça que ça va faire ici. À vous demander si vous mangez un hot dog ou un hamburger à midi, tu sais, puis on passe une demi-heure à se poser la question. À demander aux autres, qu'est-ce que tu manges à midi, toi? Ouais, ben ça, c'est, ouais, ben, c'est évident, ça, c'est au restaurant, tu sais. Si tu manges, hein? Parce que moi, je sais pas, il y a trop d'affaires de menu. Puis tu viens là parce qu'il y a du choix. En tout cas. Mais. Ouais, parce que l'autre là-bas, je trouve la même chose, puis bon, Stan, puis il y a une partie de l'ego qui est tannée, qui veut se nourrir, parce que spaghetti, si tu vois l'autre qui le mange, tu sais. Alors, on doit finir par éliminer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chose importante, c'est qu'on devrait comprendre que la majorité de tout ce que vous allez abandonner, ça fait souffrir un peu. C'est exactement comme si vous avez un gros tumeur. C'est de vos cellules, c'est de votre sang, c'est de votre peau, mais tu meurs de ça à la longue. Donc, on doit l'ôter. Alors, on va faire venir un chirurgien, on va prendre une radiothérapie, on va avoir des médicaments chimiques, chimiothérapie, on verra. Mais d'une façon ou d'une autre, on va travailler à éliminer le tumeur. Mais là, vous allez dire, oui, mais c'est une partie de moi que t'autres. Effectivement, c'est sûr. Cette partie-là n'est pas celle qui est prévue par la gestion intelligente d'un corps physique. On l'élimine. Nos égos, ce sont des mécaniques qui ont comme fonction de conserver de l'énergie. La seule façon de conserver de l'énergie dans la matière, c'est la matière. Maintenant, si on veut conserver une énergie qui va nous permettre, à nous, l'intelligence, l'esprit, d'être capable de contrôler la matière, de vivre une conscientisation, une terrestrification en réalité, la descente de la conscience dans la matière, on doit conserver de l'énergie sous d'autres formes. Ces autres formes-là sont de la mémoire. Notre énergie, elle est conservée dans la mémoire. Le Nazaréen, c'est ce qu'il disait en disant aux gens de prier, « Placez vos trésors dans le ciel. » Le ciel, ce n'est pas les cieux. C'est un endroit où il y a des grands réservoirs d'énergie, des religions, des égrégores, des égrégores familiaux, des égrégores politiques, nationaux ou théologiques. Et à un moment donné, l'homme, la femme, devra être capable d'aller chercher l'énergie qui était placée là pour s'en servir sur la matière. Sauf que présentement, dans notre âme, nous conservons de l'énergie dans la mémoire. Et c'est très correct. Il vient un temps où la mémoire est tellement énergisée qu'elle se prend pour ce que vous êtes. Et ça crée un problème. On ne sait plus si nous exprimons présentement la spontanéité de notre présence ou la mémoire de notre présence. On ne sait plus. Suis-je l'esprit qui regarde la fleur ou c'est la mémoire qui regarde la fleur et qui trouve que la fleur est un peu petite? On compare. On est donc dans la mémoire. L'être humain doit, pour préparer ses prochaines réincarnations, il doit simplement s'arranger pour que l'information qu'il va amener au cours du reste de sa vie physique, peut-être qu'il ne mourra pas. Oh, ben, l'expérience nous dit qu'il va mourir. Mais c'est aussi impossible de naître, de grandir, que de mourir. On est habitué à mourir. On est habitué à naître. Hein, je le dis souvent, vous plantez une graine dans le sol, vous l'arrosez, puis en pousse un arbre. Ça ne se peut pas. La science explique la mécanique. Elle ne la comprend pas, elle la décrit. Non, mais c'est sûr, c'est une graine, si tu donnes ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est la nature. Pourquoi? Vous perdez un bras, il va repousser. Ça se peut pas. Ben, le homard, il peut bien. Ah, mais le homard, c'est pas pareil. Pourquoi? Ben, parce que, c'est ça, on constate. Hein? C'est bien niaiseux. Vous prenez un ver de terre, vous le coupez en deux. Les deux parties vivent. Pourquoi? Prenez un humain, coupez-le en deux. Allez voir. Ça vit pas longtemps. Pas obligé de le faire, là. Non. Mais on doit comprendre que le processus du miracle est une chose qui échappe à l'expérience. On ne croit pas à ce qu'on n'a pas en mémoire. Bon, mais ça, c'est un problème. Parce que l'intelligence peut nous amener plein de choses, de visions neuves que l'ego va refuser. Comment on réincarne quelque chose d'intéressant le restant de ses jours? Premièrement, dans les mémoires du passé qui s'engouffrent dans des canaux réincarnationnels, qui se poussent, pullulent les uns, pissent les uns sur les autres pour rentrer chez vous, on doit aller chercher ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, ce sont des mémoires qui ne font pas partie de martyrs. On ne doit pas aller chercher des mémoires de martyrs. Alors, ça va avoir des beaux stigmates, c'est parfait, avec de l'infection. Puis on va vous prendre en photo. Puis vous allez mourir comme ça. Peut-être qu'on va vous béatifier une fois mort. Bon. On ne doit pas être martyr. On doit réincarner uniquement les mémoires des individus qui ont changé le monde, qui ont amélioré les systèmes sociaux, pas les individus qui ont aidé le pauvre peuple. Ils ont tous aidé le pauvre peuple, même contre leur gré. Mais les individus qui ont fait avancer le système, les systèmes sociaux planétaires. Et on doit donc s'arranger pour y incarner au maximum des mémoires d'aristocrates. Il y a eu des aristocrates véreux, mais ça, c'était des problèmes de consanguinité et de réincarnation fallacieuse d'habitude. Et à un moment donné, les vrais aristocrates étaient maintenant dans le peuple. Ils faisaient une révolution, ils jetaient à terre ceux qui étaient là, prenaient leur place, c'était les aristocrates. Donc, on réincarne. Les aristocrates, ils ont développé la médecine. Ça veut dire, oui, mais ils faisaient des expériences de cobayes sur les êtres humains, puis ils venaient respirer dans leurs intestins pour voir comme il faut ce qui se passait. Je sais. Mais maintenant, on a une santé à cause qu'à un moment donné, adaptée à l'évolution de conscience sociale des peuples à l'époque, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Les aristocrates, à un moment donné, se sont remplis de l'art. Hein? On faisait de l'art, des peintures. On prenait de l'argent du peuple, puis... Eh oui, ça l'a rendu la planète beaucoup plus esthétique. C'est les aristocrates qui, à un moment donné, ont commencé à parler qu'il faudrait peut-être qu'on soit écologique, qu'on cesse de tuer les animaux. C'était Brigitte Bardot, puis c'était un paquet d'autres. Ben oui, ils ont des raisons. Mais c'est eux qui ont amené, c'est encore des aristocrates qui, à un moment donné, décident en Angleterre que les pauvres, on doit les aider. Mais les aristocrates avaient la puissance de les aider. Il y a eu beaucoup de prêtres, quelles que soient les religions, qui étaient totalement aristocrates. Il y a eu des aristocrates véreux, prenez pas ceux-là. Il y a eu des pauvres véreux aussi, comme il y a eu des pauvres qui avaient de l'allure. Mais on doit réincarner des énergies qui vont nous permettre d'être reconnus, pas astralement, pas psychologiquement. Mais c'est exactement comme si on vous fait prisonnier. Vous êtes un troupeau de soldats, puis vous êtes tous dans un trou. Mais votre capitaine, lui, on le sert un peu mieux. Tant qu'à être soldat, mieux vaut être capitaine de bord. Il aura la possibilité de parlementer, la possibilité peut-être de sauver ses hommes. Mais si tout le monde est dans le trou, surtout si la grande gueule est dans le trou. Mais comment tu les attires, ces personnages-là ou ces mémoires-là? Bon, il y a une chose qu'on doit faire attention, c'est qu'on ne peut pas vivre énergétiquement au-dessus de ses moyens. Ni matériellement, mais ni énergétiquement. Comment on réincarne ces personnalités-là? Et ça va faire en sorte que votre prochaine vie va beaucoup plus être axée dans ce qu'il y aura de plus haut à l'échelle sociale. Si c'est pourri, on changera. Mais c'est plus facile de le changer quand on arrive dans la tête que quand on arrive dans les pieds. Bon. Je ne parle donc, la personne ne décide pas orgueilleusement de jouer à l'aristocrate, avoir ramassé les aristocrates véreux. Ça veut dire que l'individu doit s'arranger pour purifier son langage. Quand on est entre personnes qui se connaissent, on ne s'appelle pas « Hey, Tremblay, viens ici ». On a des prénoms, on utilise nos prénoms. Si on veut prendre un nom, on peut prendre un nom monsieur et madame si on veut, mais on prend le prénom. On a un langage qui exclut progressivement « Maudit qui est stupide ». L'être humain n'est pas stupide. Sa conscience ne peut pas s'exprimer, il y a des manipulations, il y a une masse de problèmes sur la planète Terre, et on ne peut pas traiter. Progressivement, on élimine tout ce qui est péjoratif. Okay? Bon, grosse niaiseuse, gros cochon, ça ne fait pas partie du langage de celui qui réincarne de l'intelligence, donc des mécaniques mémorielles qui vont accepter l'intelligence. Alors, l'aristocratie, ce n'est pas d'aller s'acheter des vêtements et une Rolls-Royce. Pas ça, l'aristocratie. Ça va venir à un moment donné quand énergétiquement tout sera bâti pour que ça vienne. Mais c'est au niveau de ce que nous sommes, nous. De temps en temps, est-ce que vous vous maudissez? Faites-le plus, c'est pas aristocrate. Vous vous insultez vous-même. On se culpabilise. On parle continuellement des autres d'une façon péjorative. On est sale énergétiquement. Alors, l'aristocratie se développe premièrement par une purification au niveau de la parole. On ne fait pas de sidatisation. Vous savez, c'est quoi, SIDA? Sinistre individu dominé par l'astral. Bon. Alors, on ne fait pas de sidatisation. Alors, on ne se réunit pas à deux, trois ou quatre personnes pour parler contre un autre. C'est pas ça. On perd encore. C'est pas aristocrate. On perd de l'énergie. Et on peut construire. Mais on ne parle même pas en bien. Ça n'a même pas la peine. Mais on ne parle pas contre. Là, on est véreux. Tout à l'heure, j'étais avec deux bonnes femmes. C'est le cas de le dire, deux bonnes femmes. Alors, on s'en élève. Il y a du trafic sur la rue Saint-Denis. As-tu vu ces deux filles-là? Elles se tiennent par le cou. As-tu vu ça? « Hey, vieux gars, elle joue dans la tête. Ah, peut-être que c'est deux sœurs. »« Ah non, c'est pas deux sœurs, certainement. »« Hey, as-tu vu ici? On se dirait en Chine ici. Hein? C'est quoi? C'est dégueulasse. Puis, là-bas, il faut dire que les fenêtres sont cassées comme ici, mais ils mettent pas de plywood. Bon. Hey, as-tu vu l'affaire? Le gars bien rouge avec sa queue. C'est-tu? Ah, c'est bon. Plus long, ça, là. Mais c'est pas notre vie, ça. Hein? C'est pas une vie. L'aristocrate ne fait pas ça. C'est pas qu'on doit se dire l'aristocrate ne fait pas ça, donc je le fais pas. C'est pas ça l'idée. C'est allons chercher, réincarnons immédiatement, créons l'habitude, donc on amène des réincarnations, de ceux qui, dans le passé, ont été propres, esthétiques, on pourrait dire beaux, mais beaux énergétiquement. Et à un moment donné, notre vie va totalement changer de forme. Vous allez rentrer dans une pièce, puis les individus qui sont du même ordre vibratoire que vous vont finir par vous reconnaître. Et progressivement, faites confiance à ce qui est intelligent chez l'humain. Qui que vous soyez au départ, progressivement, tous les échelons énergétiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, vont être montés parce que, on en a parlé un peu dans les clés de l'abondance, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, ce sont des gardiens de l'argent d'eux autres. À un moment donné, ils devront la remettre à ceux qui seront rendus à un état où ils pourront aller la toucher. Est-ce qu'on doit absolument réincarner les mémoires d'aristocrates ou est-ce qu'on ne peut pas bloquer totalement les réincarnations et transformer celles qu'on a déjà, les mémoires qu'on a déjà, oui, puis arrêter de réincarner totalement? Oui, mais disons, dans une conférence régulière comme ça ici, on ne peut vraiment pas penser qu'on peut amener des solutions applicables. On peut effectivement bloquer le canal réincarnationnel, ouvrir le canal ajusteur de pensée, travailler une fusion avec le double éthérique, mais préférable d'avoir fait le séminaire avant. Tandis qu'on peut, en attendant, et c'est aussi efficace, un peu plus long. On pourrait dire. C'est pas un peu plus long. Mais l'autre est un peu plus rapide. Lequel? Le blocage du canal réincarnationnel, okay, pour atterrir l'esprit. Mais pour ça, il faut avoir un corps physique drôlement santé. Donc, avec un contrôle mental total du système physique, on appelle ça manifisé. Il y a des choses qu'il faut avoir, être relié à un égrégore d'énergie canvi suffisamment puissant, parce que l'évolution gruge le corps physique, donc quand ta conscience arrive dedans, il faut que l'individu soit prêt à changer bien les choses. Et quand il y aura... Vous savez, je pourrais vous l'expliquer là, mais en conférence... La solution parfaite, non, mais c'est pas la solution idéale. C'est pas la solution idéale, surtout pourquoi? Parce qu'il y a des individus présentement qui ont un plan de vie qui vont les forcer à faire ça. À faire comme tu dis, à bloquer le canal réincarnationnel puis à traverser. Plus il y en aura qui vont l'avoir fait, moins il sera nécessaire que tout le monde le fasse. Ça va être aussi facile de le faire après s'il y a eu des précurseurs avant. Donc, ça ne vaut pas la peine d'enseigner, par exemple, à un groupe de gens des techniques situationnelles, des situations au niveau de l'évolution qui ne leur serviront peut-être pas finalement, même si égoïquement, ils se diraient « moi, j'aimerais savoir ». Oui, mais si les individus ne sont pas de ceux qui passeront en premier, puis on s'en fout de passer en premier ou en deuxième ou en quatrième, l'important, c'est qu'on traverse, ça vaut pas la peine que tout le monde le connaisse, ces clés-là, puis c'est pas une question de mystification ou de mystère, c'est une question d'inutilité. On vous montre 25 techniques, rien qu'une qui est applicable. Ça vaut pas la peine de vous montrer 25 techniques. Donc, au niveau du séminaire, il y a des individus qui, effectivement, à un moment donné, en ressortent, puis eux peuvent aller chercher. Ils en ont besoin. Ils souffriraient plus de ne pas pouvoir le faire, alors que d'autres, le faire, souffriraient plus que de ne pas le faire. Donc, De toute façon, comme on n'a pas de libre arbitre, on va se faire manipuler pour prendre celui qui... Oui, mais il faut faire attention. On arrive dans un temps où il y a beaucoup de personnes qui auront plus de facilité de bouger les choses. Puis c'est important qu'il y ait une bonne information pour ne pas bouger tout croche, parce qu'effectivement, il y aura moins de restrictions au niveau du libre arbitre. Alors, la meilleure chose, c'est de commencer par réincarner des mémoires d'aristocrates qui vont effectivement nous aider. Puis on ne parle pas de celui qui se pavane avec ses diamants. On parle de la personne qui marche le dos un peu moins rond. On parle de la personne qui arrange un peu mieux sa maison. C'est moins bordel. On parle de la personne qui, dans son langage, est plus direct, qui développe progressivement une voix mentale, une personne qui a moins d'émotivité dans sa voix. Elle est capable d'être affectueuse, elle est capable d'aimer, mais elle ne sera pas capable d'exprimer la peur par sa voix. Une personne qui a un regard un peu plus « elle », et non pas totalement fuyant, tout bout de champ, etc., ça développe de l'aristocratie, et là, on prépare réellement sa prochaine réincarnation. Maintenant, comment on finalise, comment on peut garantir qu'on va pouvoir se rappeler de ce que nous sommes, de ce que nous étions, quand on va revenir? On brosse un tableau, évidemment. La première chose, c'est qu'on doit s'arranger pour, au maximum, se tenir avec les individus qui sont du calibre énergétique égal au nôtre, ou supérieur, s'ils veulent de nous. Hein? Parce que s'ils appliquent ce que je dis, bon, évidemment. Pour ne pas leur faire écouter conférence au début. C'est ça. Et... Première chose. Pourquoi? Parce que on va brancher des canaux réincarnationnels. On est en train d'établir une nouvelle famille. Une famille qui va procéder de la réincarnation de l'esprit plutôt que du corps physique. Donc, progressivement, on s'arrange pour établir de nouveaux liens. Il y a beaucoup d'individus qui naissent du même père et de la même mère, mais ils ne sont pas de la même famille. énergétiquement. Puis, à un moment donné, ils rencontrent des amis, puis c'est vraiment frère ou sœur. Ça, c'est leur famille. Alors, en faisant cela, en se tenant plus régulièrement avec des individus du même calibre énergétique que nous, on se garantit déjà d'être... parce qu'on a déjà parlé de la réincarnation dans les conférences antérieures. On a vu que c'est l'atmosphère planétaire qui attire les mémoires. Si nous sommes finalement suffisamment énergétiquement les exprimateurs de notre intelligence, si on est capable de parler mentalement, si on ne s'obstine plus, on ne s'engueule plus, bon... progressivement, on crée ça comme expérience astrale et cette expérience-là ne pourra pas se réincarner dans un cadre où les gens s'obstinent, où les gens s'engueulent, où les gens parlent sale, etc. Donc, déjà là, on garantit en se tenant énergétiquement avec certaines personnes. Ce que l'on doit surtout faire, c'est s'arranger pour... Bon, il y a plusieurs choses à faire. Enfin, je vais y aller une à la fois parce que là-dedans, ça se bouscule, là. Tout n'est pas applicable en même temps. Tout ne doit pas nécessairement être appliqué. Hein? Vous devez comprendre l'idée. Ce n'est pas nécessaire de faire les 8 affaires ou les 15 affaires ou les 101 affaires. L'important, c'est d'en faire. C'est une bonne chose. Premièrement, ça serait au niveau de nos legs. Les legs. Alors, quand je lègue quelque chose à mes enfants, etc., je peux léguer tel jouet, je peux léguer une montre, je peux léguer ma maison, je peux léguer de l'argent, je peux léguer. Bon. Mais on s'arrange pour pouvoir léguer à quelqu'un. D'une façon particulière sur le testament, où on lui lègue, puis ça, il faut qu'on ait plus peur à un moment donné. Imaginez que vous êtes, vous faites votre testament, vous mourrez, toi par exemple. Là, quelqu'un de ta famille, on lit le testament, il y a le notaire qui est là, là je sais pas, bon, puis là, il dit, moi, Charles Villeneuve, lègue cette bague à mon fils, par exemple, XYZ, à l'unique condition qu'il la garde toute sa vie et qu'il la lègue à son fils, parce qu'un jour, je reviendrai. Je serai l'un de mes descendants, et lorsque je réclamerai ma bague, on devra me la remettre. Mais si mes enfants... Là, le notaire, évidemment, il va... Si mes enfants ont écouté tes conférences, ils vont refuser la bague, les salauds. Je le sais. Je le sais. Mais tu la lègueras à quelqu'un d'autre. Faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Par contre, en plaçant une situation comme ça, et c'est très important, et là, on devrait... placé sur le testament. La meilleure chose, évidemment, c'est d'instruire son entourage. C'est pourquoi tu pourrais léguer, mettons que tu n'as pas d'enfant ou tes enfants ne sont pas au caractère suffisamment à ta hauteur, tu vas, par exemple, léguer quelque chose à un de tes amis. Et d'ami en ami, quand je dis de rejoindre des gens qui ont le même calibre énergétique, on n'a pas besoin de se rencontrer régulièrement, mais on fait partie de quelque chose de similaire. Il y a une énergie hépatique qui se crée. Mais à un moment donné, effectivement, il y aura quelqu'un, quelque part, qui aura un enfant, qui, à un moment donné, l'enfant va trouver la bague super belle, il va l'aimer plus que normal, il va peut-être même la reconnaître, il va peut-être poser des questions sur la bague. On saura probablement que là, on a réussi à ramener une grande partie des mémoires de Charles Villeneuve. Parce qu'on a gardé dans la matière un foyer central qui attire les mémoires quelque part dans le temps. Donc, si par la suite, on te parle un peu de Charles Villeneuve, tu vas immédiatement retrouver au complet, puis finalement, tu pourras dire que tu l'es. Le Dalai Lama, c'est exactement la technique que lui va employer. Alors, il y aura des colliers, il y aura certaines choses qu'il a utilisées, qui sont gardées, et à un moment donné, il va lui-même se prescrire où il va se réincarner. Et par la suite, on va, avec ces objets-là ici, on va retrouver l'enfant perdu à travers le Tibet. Puis les mémoires du Dalai Lama, par exemple, on trouve un enfant de 3 ans, on lui montre 15 colliers, puis on lui dit lequel que tu choisis. On t'en donne un. Puis là, subitement, l'enfant, il regarde les 15 colliers, il regarde le bonhomme en avant, puis il prend le collier qui est après le coup. C'était la ruse. On fait ça très sérieusement. Et on pense pas qu'un enfant va aller piquer le collier du lama qui est en face de lui. Mais c'est subitement ce collier-là que l'enfant veut, c'est le collier du Dalai Lama. En prenant le collier, l'enfant, il réincarne un tiers des mémoires immédiatement de ce que le Dalai Lama était enfant. Donc, c'est pas un Dalai Lama maintenant qui est adulte. Mais subitement, il se retrouve enfant, maudit. Il a été 13 fois enfant, il sait. Et là, on va l'informer de certaines choses, puis à un moment donné, on va lui montrer des bagues. Ou un coffre, des coffres. Il en choisit un. Et là, immédiatement, il réincarne encore d'autres choses. Il est peut-être rendu à 12 ans, il réincarne tous les Dalai Lama qui réincarne une grosse partie des mémoires. Alors, on peut préparer donc sa prochaine réincarnation en laissant dans la matière. C'est ce qu'on faisait avec les armoiries, hein, des familles avant. On ne le savait pas, mais il y a eu beaucoup de magiciens à l'époque. Et les familles se réincarnaient dans la même famille, de père en fils, de fils en père, de mère en fille, de fille en mère, etc. Sauf que il y avait des guerres, on se mariait de façon à acheter des territoires, etc. Ça mélangeait un peu les armoiries, on rajoutait des morceaux, etc. Mais c'est la même technique. Donc, une des choses intéressantes, c'est nécessairement de laisser des choses à l'intérieur, et ça fait un peu comme faire de la magie. Ben oui, mais à un moment donné, il y en a qui ont des porte-bonheur. Mais c'est la même maudite affaire. On en a plein de magie. Subitement, quand on est bien malheureux, là, on prie un crucifix, on prie quoi? On prie un symbole. Mais celui qui le reçoit, celui qui va l'apporter, la bague, ou qui va la reconnaître comme enfant, est-ce qu'il y a aussi, avec lui, transporté d'autres mémoires que celles de l'individu qui l'a remis? Je suis ton fils, tu me lègues ta bague. Je ne la veux pas. Je l'accepte, je la mets dans un écrin, puis je la sers dans un coffre-fort. Je garde le morceau. À un moment donné, je la lèguerai à mon fils. Ou je lui ai dit, encore, si j'ai un enfant, je lui donnerai la bague. S'il la veut pas, je la mets dans son écrin, c'est pas lui. Puis à un moment donné, je la suggérerai au neveu, au nièce, je la suggérerai du monde. En lui posant des questions particulières. Puis il y en a un là-dedans, à un moment donné, qui va trouver que oui. Puis qu'est-ce que ça symbolise, selon toi? Son imagination va donner peut-être à 90% exactement ce que Charles Villeneuve avait dit. Fait que c'est mieux de faire quelque chose qui est pas facile à reconnaître, parce que n'importe qui, il faut pas que ce soit quelque chose de facile que n'importe qui. Mais dis, je suis Charles Villeneuve et tu auras tout mon argent, c'est ça qui crie sa bague, c'est pas... On doit s'arranger pour que... Puis ça fonctionne énormément, on doit s'arranger donc pour faire ce genre de choses. Et ça fonctionne sans problème. Par contre, c'est que vous recevez des legs, mais on va en parler peut-être un peu plus la semaine prochaine de certains des dangers au niveau de la réincarnation. C'est qu'on vous lègue quelque chose, il y a un gros danger, parce que là, on a énormément de mémoire de celui qui est décédé, qui plane en haut, puis qui espère bien que vous allez l'accepter chez vous. Et si ça nous convenait? Disons que c'est un oncle, un grand-oncle, ou peu importe, quelqu'un qu'on... Bon. Et puis, tu acceptes le leg à ce moment-là, ça devrait... Mais là, tu te réfères à la première conférence du mois, où tu vas faire attention pour ne pas te laisser digérer par la personne. Tu vas récupérer les bons côtés de la personne. Tu vas vivre avec les bons côtés. Tu vas pas agressivement devenir la bonne personne. Et puis, tu vas rester toi là-dedans. Tu restes ton seul maître. Sinon, progressivement, tu vas ramasser même les parties de la personne que tu ne veux pas et que tu ne connaissais peut-être pas. Tu restes toi. C'est faisable, mais avec précaution. Oui. Au début de la deuxième partie, on va expliquer une troisième façon de... préparer sa prochaine réincarnation. Fait que tu me rappelles ça, on finit là-dessus. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les lire. À tantôt. Thank you.